Chapitre 3e, Plénoche devient amoureux et s'en trouve bien. Midi n'était pas encore sonné quand Madame Quatre-Sous et sa fille débarquèrent à Coulommiers du fond d'un vieux carrosse de campagne. La princesse les mit tout d'abord sans bon pied dans le château en leur faisant entendre un cueil à rendre jalouses les dames de la cour. Elle les mena elle-même par la main au moment de leur révérence au duc et à Monsieur le Prince. Puis elle déclara, du ton le plus agréable, qu'elle ne les voulait plus quitter de la journée. Madame Quatre-Sous, qui était de franche roture, ne s'était jamais vue en pareille passe. Elle ne se pouvait tenir de montrer sa joie, et ne savait plus ce qu'elle faisait. En d'autres circonstances, on aurait pu rire de ses airs bourgeois, mais la princesse ne voulut point souffrir qu'on se moquât d'elle. Quant à sa fille, étant jeune et belle, on lui trouva plus de monde qu'elle n'en avait. Les hommes la virent de fort bon œil, et les dames n'en dirent point trop de mal, à cause de sa noblesse de robe qui n'en faisait pas une rivale. Tout occupée de ses beaux plans de mariage, la petite princesse avait inventé dans sa tête un moyen de prévenir Mademoiselle Quatre-Sous en faveur de Plénoche. « Mademoiselle, lui dit-elle à l'oreille en riant, n'avez-vous pas regardé l'autre jour la figure de ce gentilhomme qui m'accompagnait ?»« Je n'ai pas fait grande attention, princesse. C'est que je trouve qu'il vous ressemble comme s'il était votre frère. Il n'est pas impossible. Ce n'est point pour vous faire un mauvais compliment, au moins que je le dis, car ce gentilhomme est d'un fort agréable visage. Mais je veux savoir si quelqu'un voit la chose comme moi. Ne vous semble-t-il pas, madame la marquise, ajouta-t-elle en s'adressant à une dame qui se trouvait là, que mademoiselle a de la ressemblance avec monsieur le chevalier de Plénoche ? Assurément, répondit la marquise, cela m'a frappé comme vous. La princesse savait à l'avance que cette dame n'aurait garde de la contredire. Du reste, poursuivit-elle, mademoiselle en jugera tout à l'heure. Le chevalier va venir et il ne manquera pas de lui faire ses civilités. Tenez, je l'aperçois là-bas qui cause avec le duc mon père. Ne trouvez-vous pas que ce sont des traits tout semblables ? Absolument semblables, dit la marquise. Le chevalier n'a point les cheveux comme mademoiselle, puisqu'il est brun. Ses yeux ne sont pas bleus et sa bouche est d'une autre forme. Mais sauf ces légères différences, il a beaucoup de mademoiselle Quatre-Sous. Qu'en pensez-vous, madame ? Je pense comme votre Altesse. Leurs deux fronts, surtout, sont bien pareils. « N'est-ce pas vrai, madame ?»« Tout à fait pareil, » dit la marquise par complaisance. « Monsieur le chevalier est du reste un fort joli cavalier, un de ceux qui plaisent généralement. »« Je n'en ai jamais ouï mal parler. »« Croyez-vous, mademoiselle, qu'on ne lui connaît pas encore une maîtresse ?»« C'est un original, » dit la marquise. « Le duc, mon père, l'aime avec passion. Le voici qui vient à nous. » Plénoche rendit ses devoirs à mademoiselle Quatre-Sous avec des tournures de discours qui lui étaient propres, quoiqu'il lui fallut bien dire environ les mêmes choses que tout le monde. La ruse de la petite princesse n'était point maladroite. Mademoiselle Quatre-Sous ne faisait que suivre des yeux le chevalier à la dérobée. Sans doute, elle ne lui eût point accordé sans cela tant d'attention. C'eût été pour elle un grand déplaisir qu'une figure à son image n'eût pas d'agrément. Après nous-mêmes, ce qui a le plus de raison d'être beau, c'est ce qui nous ressemble. Le contre-coup de cette manœuvre porta tout droit dans le cœur de Plénoche. Et il finit par s'apercevoir que la demoiselle le regardait beaucoup, et l'en tira simplement à cette conclusion, qu'elle n'avait point de peine à le voir. C'est un puissant motif d'aimer une femme que de croire qu'on lui plaît. Le soupçon qu'il n'était pas indifférent donna plus d'assurance à Plénoche, et plus d'envie de paraître aimable. Il avait assez bonne grâce naturellement et de la douceur dans l'abord. Mademoiselle Quatre-Sous le distingua. La princesse, qui avait impatience de savoir ce qu'elle pensait, lui fit avouer que c'était le cavalier qui fut le plus à son goût parmi les habitants de Coulommiers. Quant à Plénoche, il trouva la jeune fille charmante et il fit bien, car elle l'était. Je donne donc le moyen imaginé par Mademoiselle de Longueville comme efficace toutes les fois qu'on voudra rendre amoureuse l'une de l'autre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. La princesse ne pensait qu'à fournir au chevalier des occasions de causer avec sa belle. Il n'avait pas à dire non à une altesse, quand elle voulait une promenade ou courir en nacelle sur les pièces d'eau. « Monsieur Plénoche, disait-elle, faites donc voir à Mademoiselle Quatre-Sous telle chose qui me vient d'Angleterre, tel tableau qui est d'un grand peintre ou tel endroit du jardin où l'on a une vue admirable. » Il semblait ainsi que ce fut pour obéir à la princesse que le chevalier ne bougeait d'auprès de la jeune fille. Notre chevalier n'était pourtant pas le seul admirateur des mérites de Mademoiselle Quatre-Sous. On sait que la suite du prince de Condé, qui formait la cabale des petits maîtres, était l'élite des plus jeunes et des plus galants gentilshommes. Il y en avait là de fort raffinés, avec les poings sur les hanches, des manteaux en étalage, et tant de plumes au chapeau qu'on ne leur voyait plus les yeux. Les uns parlaient Phébus comme des dieux, et les autres savaient admirablement grasseyer à demi-voix. Mais ils semblaient tous trop présumés d'eux-mêmes, comme si nulle vertu n'eût été de taille à leur résister. Ces airs-là ne plaisent pas à bien des femmes. Mademoiselle Quatre-Sous, en particulier, s'estimait à bon droit valoir autant qu'une duchesse du côté de la beauté. C'est pourquoi elle fut choquée de ses allures de conquérant. Plénoche, étant plus modeste, lui fut plus agréable. Elle reçut les petits maîtres, qui la régalèrent de leurs phrases de comédie, avec une civilité froide qui les éloigna bientôt, tandis que notre chevalier gagna tout doucement quelques pieds dans ses affections. Le lecteur ne sera pas fâché sans doute d'apprendre que Mademoiselle Quatre-Sous avait de ces beautés qui font des impressions profondes à ceux qui en sentent bien le charme. Son regard était à l'ordinaire comme distrait et rêveur, mais d'une rêverie pure qui ressemblait à celle d'un ange. Ses traits avaient de la fierté, mais on la devinait cependant prompte à s'émouvoir. Sa taille de roseau, quoiqu'elle n'eût point de maigreur, et les airs de sa tête, qu'elle penchait souvent de côté, lui donnaient une apparence d'héroïne de roman. Or ses épaules, qui étaient un peu étroites, il n'y avait rien à redire à toute sa personne, et ses défauts même étaient comme nécessaires pour bien aller avec le reste. Pour son esprit, plutôt que d'avoir du brillant, c'était une intelligence parfaite, capable de comprendre celui des autres, de l'aimer, et d'exprimer le plaisir qu'elle prenait à une conversation au-dessus du commun. Il n'y avait pas, en ce temps-là, comme aujourd'hui, mille nécessités de convenance pour embrasser les gens. Les rapports entre les personnes étaient plus faciles et plus libres. On ne s'informait pas si tel cavalier parlait plus souvent à telle dame qu'aux autres, ou bien, si on le remarquait, ce n'était point pour en rien dire de mal. À la cour, surtout, chacun songeait à ses affaires et n'avait pas le loisir d'examiner ses voisins. Madame Quatre-Sous, qui était chargée d'embonpoint, ne pouvait pas courir à la suite de sa fille et de la princesse qui avaient les pieds trop lestes pour elle. Mademoiselle de Longueville, en témoignant tant d'amitié à la simple fille d'un auditeur des comptes, faisait un acte de grande condescendance. Madame Quatre-Sous en avait la cervelle tout à l'envers et se voyait déjà, dans l'avenir, au souper du roi parmi les dames debout. On sait que Plénoche, accompagnait par devoir la princesse, et comme Mademoiselle Quatre-Sous ne la quittait guère, on rencontrait partout ce trio de visants et folâtrants, selon qu'il est permis au bel âge de la jeunesse. Il y avait cependant les dames d'honneur qui ne perdaient pas la trace ainsi que des limiers. Mais elles suivaient de trop loin pour gêner en rien les conversations. Quand Plénoche n'était point présent, Mademoiselle de Longueville disait de lui tout le bien imaginable à sa nouvelle amie. Elle lui apprenait à voir ce qu'elle trouvait de plaisant et d'aimable dans l'esprit et le caractère du chevalier, en sorte que la jeune personne en eut bientôt l'imagination toute pleine. Un matin que ces trois inséparables se promenaient sous de grands arbres, la princesse, ayant chuchoté à l'oreille de Mademoiselle Quatre-Sous, s'adressa tout à coup à Plénoche. « Monsieur le chevalier, quel âge avez-vous ? 26 ans, princesse. Et vous n'avez encore d'amour pour aucune belle de Céan ? Vous ne portez les couleurs de personne. Il est temps que cela finisse. Nous allons nous établir en manière de tribunal, mademoiselle et moi, afin de décider pour quelle dame vous aurez à soupirer désormais. Je supplie votre Altesse de ne pas se donner cette peine, car mon choix est fait. Et si je n'en dis rien encore, c'est par discrétion et par crainte. Vous avez choisi sans me consulter, ce n'est pas bien. Mais je soupçonne de quel côté vos yeux se sont tournés. Je gage que c'est sur l'un des juges du tribunal. Votre Altesse connaît mes plus secrètes pensées. Nous nous en doutions bien toutes deux. Il est amoureux de vous, mademoiselle, et j'ai dessein de vous faire marier ensemble par le duc mon père, si vous n'avez pas de répugnance pour monsieur Plénoche. Princesse, dit la demoiselle en rougissant, attendez au moins que monsieur le chevalier se soit expliqué entièrement. Il est vrai que j'aime mademoiselle, reprit Plénoche. Je ne croyais pas, avant de vous voir, que je puisse avoir un sentiment plus fort que mon dévouement et mon amitié pour son Altesse, et de là venait que je n'avais encore soupiré pour aucune femme. Mais il en est autrement aujourd'hui. Je me déclare l'admirateur de vos charmes avec une double ardeur, à présent que j'ai l'agrément de la princesse. Je me mets à vos pieds, et j'attends un mot de votre bouche pour être le plus heureux des hommes ou le plus à plaindre. Il mit un genou en terre devant Mademoiselle Quatre-Sous. Plénoche avait parfois un regard qui pénétrait fort profondément. Ce regard lui fit deviner que la réponse serait favorable, mais la demoiselle en était assez troublée. « Chevalier, » dit la princesse en riant, « ce que vous demandez là est un mot qui coûte beaucoup aux lèvres d'une femme. Eh bien, priez mademoiselle de vous le dire tout bas, et votre Altesse me le répétera. » Les deux jeunes filles se parlèrent encore à l'oreille. Mademoiselle Quatre-Sous tendit sa main à Plénoche, et pendant que le chevalier l'embrassait avec transport, la princesse lui dit « Voici ses propres paroles. Je suis aise qu'il m'aime, et de mon côté, je pensais à lui. » Ils furent interrompus par l'arrivée d'un personnage qui parut subitement. C'était l'avocat Patru, qui demeurait à sa terre de Pomeuse et avait ses entrées à Coulommiers comme voisin et comme bel esprit. « Ne suis-je pas de trop ? » dit-il en s'arrêtant au détour d'une allée. « Venez, monsieur, » reprit la princesse, « vous êtes témoin que mademoiselle accepte le chevalier pour son galant. Ce sera un mariage bientôt conclu. » Monsieur Patru secoua la tête. « Le père Quatre-Sous n'est pas un homme qu'on mène comme on veut. Monsieur le duc et moi, nous saurons bien l'attendrir. Ce ne sont pas des caresses qu'il faudra, mais de bons écus sonnants. En ce cas, tout ira comme sur des roulettes. » Monsieur de Longueville arrivait avec sa suite. Après avoir embrassé sa fille, il s'approcha de Mademoiselle Quatre-Sous, et comme Patru s'était retiré en arrière par discrétion, le duc dit en souriant « Monsieur Patru serait-il votre serviteur, mademoiselle ?»« Non, monsieur le duc, » répondit-elle, « je n'ai pas eu de serviteur jusqu'à ce jour. » »« En ce cas, je veux vous en choisir un moi-même. » »« C'est une chose faite, » dit la petite princesse. En disant qu'elle n'en avait point jusqu'à ce jour, Mademoiselle Quatre-Sous entendait qu'elle venait d'en prendre un tout à l'heure et de ma main. « Vous allez vite en besogne, petite fille, » reprit le duc en riant. « Vous accepterez donc pour mari notre amie Plénoche, mademoiselle ? Si mes parents y consentent, ce sera bien volontiers. Nous ferons en sorte qu'ils trouvent le parti à leur goût, et d'abord j'en parlerai ce matin à madame votre mère. » Ce fut un coup de foudre pour madame Quatre-Sous quand un page lui vint annoncer qu'elle recevrait, dans une heure, la visite de monsieur le duc à son appartement. Elle tira de ses caisses la plus belle robe qu'elle eut et se mit beaucoup de poudre à la tête, quoique la mode en fût passée pour la seconde fois, parce qu'elle se souvint d'avoir eu des triomphes au bal de la Régence. La bonne dame avait été très jolie il y avait longtemps. Elle consulta sa fille pour savoir ce que le prince pouvait lui vouloir dire. On pense bien que la demoiselle feignit de ne rien soupçonner. Monsieur de Longueville se présenta bientôt, tenant par la main la princesse. On se fit bien des salutations et on prit des sièges. « Madame, » dit le duc, « je vous viens adresser une requête au nom de ma fille. Mademoiselle Quatre-Sous est une aimable personne que nous voudrions avoir souvent auprès de nous. « Que d'honneur vous me faites, monsieur le duc !» s'écria la bonne dame en multipliant les révérences. « Afin de fixer mademoiselle auprès de ma fille, je vous demande sa main pour un de mes gentilshommes, dont je veux faire la fortune et qui d'ailleurs a de l'amour pour elle. « Je ne suis pas pour vous rien refuser, monseigneur. Mon consentement vous est donné, mais je ne cache pas votre Altesse que celui de mon mari est nécessaire. Cela n'est pas douteux. Nous tâcherons de l'obtenir. Le vôtre est tout ce qui nous occupe pour aujourd'hui. Nous vous prierons ensuite de nous aider à gagner, monsieur l'auditeur. De tout mon cœur, monsieur le duc, de tout mon cœur. Je dirai à mon mari, Quatre-Sous, son Altesse est venue en personne me voir. Entendez-vous, Quatre-Sous, en personne. Son Altesse m'a hébergé, nourri, choyé toute une semaine avec notre fille à Coulommiers sans qu'il m'en coûte à rien. Elle m'a comblé de politesse. Ce n'est pas un petit honneur pour nous que de nous frotter à du monde de cette qualité. Quatre-Sous comprendra cela, monsieur le duc. Il sera flatté de voir votre Altesse et de lui parler. Quoiqu'il ait une tête de bois, monsieur le duc, une vraie tête de bois. Il faut la croix et la bannière pour lui arracher un, hein, comme vous voudrez. Je ferai tout mon possible, monsieur le duc. Je vous remercie pour moi et pour ma fille. Cette chère belle enfant, pardon, Altesse, elle aime donc bien ma fillette ? Madame, s'écria la princesse, je ne puis me passer de sa compagnie. Cela charmera mon mari. N'est-ce point trop de curiosité que de vous demander qui est le gentilhomme ? On le nomme monsieur le chevalier de Plénoche. Je l'ai vu, un beau garçon et bien civil qui m'a dit « J'ai plus envie de vous être agréable que vous ne sauriez le croire, madame Quatre-Sous. » Je comprends à présent comment il entendait la chose. C'est galant à lui d'avoir fait politesse à la mère devant que d'en compter à la fille. Il est fort bien vêtu, ma foi, et vous dites qu'il n'a pas grand argent. Il ne possède que mon amitié, mais elle vaut quelque chose. Je lui donnerai ce que monsieur Quatre-Sous voudra. L'amitié de votre Altesse vaut de l'or. Je ne me sens pas d'aise, monsieur le duc. Il faudrait que Quatre-Sous perdît la raison pour ne point vouloir se rendre. Vous me faites un sensible plaisir, dit la princesse. Souffrez que je vous baise la joue, madame Quatre-Sous. Je vais envoyer madame de Plénoche pour qu'il vous adresse lui-même sa demande ainsi que son devoir l'ordonne. Voilà qui est dit. Je le recevrai comme il le mérite. À partir de ce moment, Plénoche, ayant l'approbation de la mère, fit ouvertement sa cour à la demoiselle. On le plaça près d'elle à table. Le duc ne passait plus auprès de madame Quatre-Sous sans lui faire un bout de conversation, ni la petite Altesse sans lui tenir mille propos gracieux comme elle les savait si bien tourner. « Je tremble que monsieur Quatre-Sous ne refuse son consentement, » disait un soir la princesse. « Ne craignez rien, » répondit la bonne dame, « je réponds de lui. C'est que cela me donnerait le plus cruel chagrin de ma vie. Je m'y ferais hacher plutôt que de céder à mon mari. « On est sûr des choses que quand elles sont finies, » dit Plénoche. « Je gâche que j'aurai mille traverses. » J'écris à Quatre-Sous et dans 3 jours, nous aurons sa réponse. « Si vous donniez à monsieur le chevalier une promesse de mariage signée de vous et de votre fille, » reprit la princesse, « vous pourriez après cela faire entendre à monsieur l'auditeur que vous êtes engagé. »« Monsieur le duc, » appela-t-elle en appelant son père, « la promesse serait déposée entre nos mains. Vous ne la rendrez que s'il n'y a vraiment pas moyen de toucher monsieur Quatre-Sous. » « Je m'intéresse trop à Plénoche pour accepter un dépôt de cette sorte. Il m'arriverait peut-être de le lui donner par faiblesse. Mais voici le père gardien des Capucins qui vient me parler d'affaires. Nous pourrons mettre une promesse de mariage entre ses mains. » La promesse fut écrite et signée de madame Quatre-Sous et de sa fille. Le père gardien, témoin de cet engagement, serra capucinalement le papier dans sa robe. On en était là, quand un courrier tout plein de poussière entra dans les cours du château. On appela madame Quatre-Sous pour lui donner une lettre que cet homme apportait de Paris. C'était un écrit de monsieur l'auditeur Quatre-Sous. On en verra le contenu dans le suivant chapitre.